Chapitre 8e. Nous arrivions à point, si vraiment notre présence devait servir à quelque chose. Déjà, le satanique personnage avait pris place sous le dais de l'estrade, et le cruel sourire de ses lèvres minces courait sur les assistants, tout recroquevillé de peur. Le mot imagé de Scanlan sur la troupe de lapins terrorisés par la belette me revint à la mémoire. Il se serrait et se faisait tout petit. Il regardait avec des yeux arrondis l'être géant dont la face de granit les courbait sous ses prunelles féroces. Je n'oublierai jamais l'aspect de ces gradins en hémicycle où s'entassaient des gens hagards qui braquaient des mines hypnotisées vers le dais au centre de l'estrade. On eût dit que déjà ils eussent entendu leur arrêt de mort et n'attendissent plus que son exécution. Manda, debout, dans une attitude d'humilité, plaidait à mots entrecoupés la cause de son peuple sans autre effet apparent que d'égayer le monstre. Celui-ci, de quelques mots qui grinçaient, lui coupa la parole, leva la main, et un cri de surprise déchira le sein de l'assemblée. Le docteur Maracot venait de jaillir sur l'estrade. Il offrait le plus étonnant spectacle. Il paraissait transformé. Il avait le port et les allures d'un jeune homme. Je n'ai jamais vu physionomie frappée du sceau d'une pareille puissance. Il marcha droit vers le géant basané qui, dardant sur lui des yeux de feu, lui demanda tout ébahi. « Eh bien, qu'avez-vous à me dire, petit homme ?»« J'ai, répondit Maracot, ceci à vous dire. Votre heure est venue. Elle est plus que sonnée. Allez-vous-en. Redescendez dans cet enfer qui depuis longtemps vous réclame. Prince des ténèbres, regagnez les ténèbres. » Les yeux du monstre se firent plus brûlants encore. « Quand mon heure sera venue, répliqua-t-il, je ne la prendrai pas des lèvres d'un mortel misérable. Quel pouvoir opposeriez-vous, ne fût-ce qu'une seconde, à celui qui occupe les lieux secrets de la nature? Un souffle de moi vous anéantirait sur place. » Maracot regarda sans broncher les terribles yeux qui le défiaient. Ils semblèrent vaciller d'inquiétude. « Malheureux être, reprit Maracot, moi qui le pouvoir ai, non moins que le pouvoir, le ferme propos de vous anéantir sur place. Vous n'avez que trop infecté le monde de votre présence. Vous êtes un mal infectieux qui corrompt tout ce qu'il y a de beau et de bon. Les hommes auront le cœur plus léger et le soleil brillera d'un éclat plus vif quand vous ne serez plus là. « Qu'est-ce que cette histoire ? » balbutia le géant. « Qui êtes-vous et que signifie ce que vous dites ? » « Vous parlez de connaissances secrètes. Or, qu'y a-t-il à leur base ? Simplement ceci que, sur chaque plan de la vie, le bien de ce plan peut triompher du mal. L'ange battra toujours le démon. Pour l'instant, je suis sur le plan même où vous êtes depuis des siècles et des siècles, j'y détiens les pouvoirs du vainqueur. Ils m'ont été dévolus, si bien que je vous répète, allez-vous-en, émanez de l'enfer. Redescendez en enfer, je vous somme d'y redescendre. » Et le prodige s'accomplit. Durant une minute, ou peut-être plus, car comment calculer le temps de pareilles heures, les deux êtres, le mortel et l'immortel, se firent face, raides comme des statues, les yeux dans les yeux, une même volonté sur le clair visage et sur le sombre. Puis, subitement, le géant recula, ses traits se convulsèrent de rage, ses mains égratignèrent l'air. « C'est vous qui avez combiné cela, maudit Varda ! » s'écria-t-il. « Je reconnais là votre œuvre. Maudit soyez-vous, maudit !» Et sa voix mourut. Sa longue figure ténébreuse perdit toute sa ligne, sa tête pencha sur sa poitrine, ses genoux se dérobèrent. Il s'affaissa, et durant qu'il s'affaissait, il changeait de forme. D'abord, ce fut encore une masse humaine, puis il n'en resta plus qu'un tas noir informe, une pourriture à demi liquide qui souilla le dais et empuantit l'atmosphère. Au même instant, Scanlan et moi nous élançâmes sur l'estrade, car le docteur Maracot tombait sur le sol, la tête la première, en poussant un gémissement sourd. « Nous avons vaincu » murmura-t-il, « nous avons vaincu !» Et ses sens l'abandonnèrent, il demeura étendu comme mort. Ainsi fut conjuré le pire danger qui put fondre sur la colonie Atlante et bannit à jamais du monde une présence maligne. Plusieurs jours s'écoulèrent avant que le docteur Maracot ne fût en mesure de nous expliquer l'événement. Et l'explication qu'il nous en donna était d'une telle nature que si nous n'avions vu ce qui s'était passé, nous l'aurions prise pour une invention du délire. Les pouvoirs de Maracot l'avaient quitté sitôt passé l'occasion pour laquelle il y avait fait appel. Elle n'était plus, comme devant, qu'un homme de science, doux et paisible. « Qu'une pareille chose dût m'arriver » s'écria-t-il. « À moi, positiviste, immergé dans la matière au point que pour ma philosophie, l'invisible n'existait pas. Et voilà les théories de toute une vie réduite en poussière. » Je présume, dit Scanlan, que nous venons tous de repasser par l'école. Si je rentre un jour dans mon patelin natal, j'aurai de quoi débiter aux camarades. Moins vous en direz, lui représentai-je, mieux cela vaudra pour vous. Si vous ne tenez à passer pour le plus fief et menteur d'Amérique, vous ou moi aurions-nous cru un mot de ce qui nous arrive si on nous l'avait conté comme arrivé à d'autres? Peut-être pas. Mais savez-vous que vous avez fait du beau travail, docteur? Vous avez donné son congé au grand monsieur comme jamais je ne l'ai vu faire par personne. Pas de risque qu'il revienne. Vous l'avez balayé de la carte. J'ignore s'il en a un autre où il aura trouvé à se loger. Sachez très exactement ce qui est advenu, dit le docteur. Vous vous rappelez que je vous avais laissé pour aller réfléchir dans mon cabinet de travail. Je ne me flattais que d'un espoir médiocre, mais j'avais à des époques diverses beaucoup lu sur la magie et les arts occultes. Je savais que le blanc peut toujours devenir le noir, pourvu seulement qu'il accède au même plan. Notre adversaire était sur un plan, je ne dirais pas élevé, mais plus solide que le nôtre. Là résidait son fatal avantage. Je ne voyais aucun moyen d'y remédier. Je me jetai sur un divan et je priais. Oui, moi, le matérialiste endurci, je priais. J'invoquais le secours d'en haut. Quand on est au bout des pouvoirs humains, que faire sinon tendre les mains suppliantes dans les brumes qui nous entourent? Je priais, et ma prière fut merveilleusement exaucée. Je sentis tout à coup que je n'étais pas seul dans la chambre. Devant moi s'érigeait une haute figure, bronzée comme l'autre, mais barbue et rayonnante de sympathie, de bienveillance, d'amour. Non moins que l'autre, elle dégageait une impression de puissance, mais cette puissance-là, c'était celle du bien, celle dont l'influence dissipe le mal comme le soleil dissipe les ombres. L'apparition me regardait avec bonté. Trop saisi pour parler, je le considérais fixement. Inspiration ou intuition, une lumière intérieure me la désignait comme l'esprit du grand et sage Atlante, qui avait de son vivant combattu le mal et qui, ne pouvant s'opposer à l'engloutissement de son pays, avait su prendre des mesures pour la survivance des plus dignes. Aujourd'hui, cet être admirable intervenait pour empêcher la ruine de son œuvre et la destruction de ses enfants. Je m'en avisai aussi nettement que si on me l'eût dit et j'eus le cœur inondé d'espérance. Cependant, il continuait d'avancer en souriant et il imposa ses mains sur mon front. Par là, sans doute, il me transmettait sa vertu et sa force. Je les sentais courir en moi comme un feu. Rien au monde ne me semblait impossible en ce moment. J'avais la volonté et la possibilité de faire des miracles. Quand la cloche tinta, je compris qu'elle m'annonçait la crise. Je me relevai. L'esprit, avec un sourire d'encouragement, s'évanouit à mes yeux. Je vous rejoignis. Vous savez le reste. Ma foi, je crois que votre réputation est faite. Il ne tient qu'à vous de rester ici en qualité de Dieu. Vous avez été plus chanceux que moi, docteur, fit Scanlan d'une voix lugubre. Comment se peut-il que l'autre n'ait pas su ce que vous faisiez? Il n'affiche trop pas perdu de temps avec moi quand j'ai mis la main sur une arme. Vous aussi, pourtant, il devait vous voir venir. Je suppose, répliqua le docteur pensif, que vous étiez sur le plan de la matière et que nous, pour le moment, nous étions sur le plan de l'esprit. Des choses semblables nous enseignent l'humilité. C'est seulement quand nous touchons aux régions d'en haut que nous constatons combien peut être basse celle que nous occupons parmi les possibilités de la création. Je viens de l'apprendre. Puisse ma vie désormais prouver que je m'en souviens. Ainsi s'acheva notre suprême expérience. C'est à quelque temps de là que nous conçûmes l'idée d'envoyer de nos nouvelles à la surface, et un peu plus tard que, par le moyen de globes de verre emplis de l'hélygène, nous y remontâmes nous-mêmes, pour y être recueillis comme je l'ai rapporté. Le docteur Maracote parle de redescendre. Certains points d'ichtyologie réclamant à ce qu'il dit une information plus précise. Scanlan, lui, a épousé sa petite fiancée de Philadelphie et devenu chef d'atelier aux usines de la Mary Banks, il ne cherche plus d'aventure. Quant à moi, eh bien, les profondeurs de la mer m'ont livré une perle. Je n'en demande pas davantage. Ainsi s'achève « Le Seigneur à la sombre face » par Arthur Conan Doyle.